Il y a quelques jours, je reçois un message d'une adresse inconnue. Ah ouais, écoutez bien l'adresse, hein. Madame Claude 94. Ouais, je me suis dit à ce moment-là que j'avais encore navigué en eau trouble, surtout que le sujet, c'était un titre étrange. Two Sisters. J'ai osé. Voilà un second titre dû à ma témérité, My Zombie Girl par les Two Sisters. Happiness inclined. Now she's rose from the dead. Hey! Hey! Hey! Touches still can't set in. Her whispers, breaths from heaven. Her heartbeat, the song of life. Now she's broke from the dead. My zombie girl, zombie, zombie. My zombie girl, my zombie girl. Shining light, deep in the dark. Hey! Made me happiness inclined. Hey! Now she's rolling from the dead. My zombie girl, my zombie, zombie girl. My zombie girl, my zombie girl. Pop and Rock le dit, donc Pop and Rock le pense, quand un album contient trois bons titres, c'est que l'album tout entier vaut la peine d'être pris en considération. Wake Up, troisième titre du soir, ça pue, ça crache, ce sont les Two Sisters. Wake up, back to my TV. Hey, I got a good job.

mastermind that's spraying and praying on walls. And the after effects are making my skin crawl. You're just a mind that's saying and playing so dull. And the after effects are making my skin crawl. Ouais, le post-punk est anglais comme l'était le punk des années 70. Mais la France, c'est aussi reprendre le flambeau avec les Two Sisters donc, mais également avec Dry Jam. Socialize, find time, this world that's so creakily into. Ça sonne comme un Canada Dry, mais c'est bien plus fort, c'est Draycan. Seconde dose tout de suite, les Français de Draycan reviennent avec Rainy Road. Sitting on the side of this rainy road, you were just trying to hide and keep it unknown. Riding in with no goal to where the wind blew, I was fleeing to forget about places I knew. Sunshine, guided by light of faith and hope, we could have climbed all bientôt 17h30 voire 21h30 selon son fuseau horaire, vous écoutez bien Pop and Rock comme tous les lundis au 104.6. Get out. On le sait tous, le rock, c'est d'abord la langue de Shakespeare, que l'on soit canadien, ricain, belge, grand breton, voire petit breton. Mais la langue de Molière marche aussi pas mal, avec notamment Bandy Bandy, qui sort en 2023 son nouvel album. Comme tous les lundis entre 17h et 18h, à écouter Pop and Rock sur la très locale RVR. Pire man. stylée du rock français, ça vous plaît ? Un conseil, restez bien branchés avec nous au 104.6 cette fin d'après-midi, car pour commencer, ou plutôt pour poursuivre, voici à présent Perler Snakes. Ok, j'ai un peu triché parce que Perler Snakes, c'est 50% Frenchie, 50% New York, mais par contre, Clinique Rodeo qui arrive, c'est 100% français. Thank you. and snake cries over her fate. On the top, on the hills, on the top of the lake. She's a gal named Gown and Run. Everyone, even the dead. Dark circles on her face. She's not going at all. She takes her secret shoes and sprays her blue warm paint. On the top of the hills, on the top of the hate. She's a girl we can run, run. She's a girl we can. Il y a quelques semaines, je rêvais de voir les Allemands de Pink Turns Blue en concert avec Nida. On a coché cette case. Maintenant, c'est Clinique Rodeo que nous ciblons. We'll be right back. Allez, je crois qu'il est l'heure de se dire au revoir. On va foncer à New York une dernière fois pour retrouver Interpol. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et comme toujours, bon vent à tous.